Bonjour. Deuxième émission du Carrefour des Résistances proposée par l'association Rencontre Citoyenne, Carrefour des luttes contre l'argent roi planétaire et l'État à sa botte, contre les injustices qu'il génère, Carrefour des alternatives rêvées, réalisées ou en voie de l'être ici ou là. Caché derrière une haie au bord d'une nationale, vivant dans le dénuement le plus complet, dans des caravanes délabrées, des baraques de fortune posées sur un lit de boue, sans eau ni électricité, ils vivent souvent à deux pas de chez nous, souvent ignorés. Ils sont citoyens européens et pourtant interdits de travailler en France, interdits de vivre, simplement décemment avec le minimum d'hygiène et de sécurité sanitaire, illustrant le vide de fait de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Même si le droit à la solidarité et à la dignité y figure, c'est au travers d'expulsions sans solution de relogement qu'elles s'expriment souvent. Je vous parlais des Roms en France et c'est d'eux dont nous débattrons aujourd'hui avec nos deux invités, Roger et Teddy, membres du collectif Nîmois de défense des Roms. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Mais avant tout, Hugo va nous lire le texte d'un blogueur du site Mediapart. C'est notre coup de gueule. Bonjour Hugo. Voilà, bonjour. Donc oui, donc comme tu l'as dit, donc Guy Mazavi s'est inspiré d'une lettre de Gustave Flaubert adressée à George Sand et qui est vraiment d'actualité. Alors, vous m'excuserez, bon, j'ai une petite allergie, donc si je tousse, ça sera pas grave, mais bon, je vais essayer de me contrôler. La mémoire d'un siècle dans la gueule. Gustave Flaubert, dans une lettre à George Sand, écrivait: je me suis pâmé il y a 8 jours devant un campement de bohémiens qui s'était établi à Rouen. Voilà la 3e fois que j'en vois et toujours avec le même plaisir. L'admirable est qu'il existait la haine des bourgeois, bien qu'inoffensifs comme des moutons. Je me suis fait très mal voir de la foule en leur donnant quelques sols et j'ai entendu de jolis mots à la prud'homme. Cette haine-là tient à quelque chose de très profond et de très complexe. C'est la haine que l'on porte aux bédouins, à l'hérétique, aux philosophes, aux solitaires, aux poètes, et il y a de la peur dans cette haine. Moi qui suis toujours pour les minorités, elle m'exaspère. S'il n'y avait que la peur pour inspirer la haine, elle serait presque... Gustave. Mais tu n'as pas connu la suite, le 20e ni le 21e siècle. Bohémien, Romain Michel, Manouche, Gitan, Dzingane, Égyptien, des noms qui respirent l'exotisme, le voyage et la mélopée déchirée d'un violon qui respire la guitare sur la voix rocailleuse d'un chanteur de flamenco, un peuple fier en haillons sur des roulottes brimbalant, mais libre. La réalité est plus sombre. Elle est devenue prosaïquement Rome. Des enfants jouant dans la boue au milieu de baraquements précaires sans eau ni électricité, ça transpire la misère. Et c'est pour cela que, selon l'IFOP, 80% des Français de mon temps sont favorables au démantèlement des camps de Rome. Il est vrai que, selon l'IFOP, 73% pensent que cela ne sert à rien. Si je compte bien, ça fait une sacrée proportion de mes contemporains qui n'hésiteraient pas à démanteler des camps de Rome tout en pensant que cela ne sert à rien. La bêtise. La bêtise est-elle excusable, Gustave? Celle qui met à l'écart cette communauté d'origine indienne présente parmi nous depuis 10 siècles, celle qui fit fermer les yeux de l'Europe à la tentative d'extermination nazie où 80 000 Roms périrent dans les camps de concentration. Ah, si l'IFOP eût existé en ces temps où Pétain veillait sur son petit peuple, combien aurait coché la case très favorable à l'extermination des Roms? Jusqu'en 1975, combien de Suisses ou de Suédois ont coché la case stérilisation pour les yéniches, déclarés alors génétiquement menteurs et voleurs? Car la bêtise, vois-tu, est encore et toujours européenne en la matière. Elle est aussi élue et institutionnelle. À deux pas de chez moi, par la grâce de ces cocheurs de Casinique qui laissent au bord de la route, dans la boue, le froid et la misère, des femmes et des enfants. Il y a aussi des maires, des conseillers généraux, un préfet et ses bras armés parés de bleu pour cautionner, ordonner, exécuter peut-être leur expulsion. J'aimerais, comme toi, Gustave, être simplement exaspéré par tout cela. Mais je n'en suis plus là. J'ai pris la mémoire d'un siècle de plus que toi dans la gueule. Guy Mazavi, blogueur sur Mediapart. Merci. Ben merci Hugo. Pour un coup de gueule, c'est un coup de gueule. Une réaction? Je trouve que c'est très, très bien posé par rapport à la réalité. Ouais. T'es dit. C'est parfait. Tout est dit. Bon, bonjour, vous êtes membre du collectif Dis-moi de Défense des Roms. Pouvez-vous nous dire plus sur le collectif et sur les motivations qui vous ont conduit dans cette lutte? Alors, donc dans ce collectif, il y a 17 associations qui sont représentées, donc on ne va pas tous les nommer. Et puis, il n'y a pas que des associations, puisque moi, je ne représente aucune association, je suis une citoyenne, donc dans aucun groupe. Voilà, donc ça c'est important de le dire à tous les citoyens, que tout le monde peut s'engager, il n'y a pas besoin de faire partie d'aucun groupe, juste se sentir concerné par ce qu'on voit et par la situation dans laquelle ces personnes vivent actuellement. Voilà, donc c'est mon cas, moi je suis une citoyenne. Voilà, moi je fais partie d'une association qui s'appelle l'APTI, Association pour la promotion des travailleurs immigrés, association qui existe depuis 45 ans sur la ville de Nîmes. Et c'est en tant qu'association que nous sommes dans ce collectif, parce que nous tenons des permanences d'administratives et d'accueil le samedi, et c'est à cette occasion que nous avons eu, une fois, des personnes roms qui sont venues à nos permanences. Et c'est comme ça qu'on a pu rentrer en contact direct avec eux, parce qu'on connaissait la position des roms sur la ville de Nîmes, et les diverses expulsions qu'ils en ont décousu, mais on ne les connaissait pas directement. Et là, nous sommes rentrés à cette occasion en contact avec eux. Ça s'est passé à quelle période? Oh ben c'est très récent, hein. Ouais. C'est-à-dire que leur histoire même sur le camp où ils sont actuellement, ils sont arrivés là parce qu'ils ont été d'expulsion en expulsion. Sur Nîmes, pour ceux qui connaissent, il y avait le point P, là où ils ont habité pendant longtemps. On les a expulsés de là, ils sont allés au bord de l'autoroute, et on les a expulsés de là, et ils sont allés à Kessargues construire ce campement où ils sont depuis quelques mois. Globalement, on peut compter combien de Roms dans la ville de Nîmes, dans le secteur de la ville de Nîmes? Il y en a très très peu des Roms. Il y a trois camps. Enfin, il y en a route de Montpellier, il y en a donc à Kessargues, il y en a à la Calmette, il semblerait. Ce qui représente très très peu de personnes, de même que ça représente très très peu de personnes sur le territoire français, puisque ça doit faire quelque chose comme 0,02% de la population actuellement en France. Donc c'est vraiment pas un grand danger pour la nation, on va dire, le grand mot de nation. Et en fait, voilà, on a choisi ce souffre-douleur-là parce que plus la crise est grande, plus il faut un bouc émissaire. Donc à d'autres périodes, c'était les Juifs ou les Arabes voilà, maintenant c'est les Roms. Voilà. Ouais. Donc ça représente vraiment très très peu de personnes. Mmh. Donc sur Kessargues, il y en a une quarantaine. Oui, sur Kessargues, si vous voulez, vous avez 13 familles qui représentent en gros 46 personnes. Vous avez 29 adultes et 17 enfants. Mm-hmm. Ça, c'est la population de Kessargues. C'est fluctuant parce qu'il y en a qui partent, il y en a qui reviennent. Bon, c'est des gens qui bougent. Hein. Ils ne sont pas simplement à toujours vouloir rester au même endroit. Hein. Et selon leur situation, ils ont bien envie d'aller ailleurs par moment. Et je les comprends. Oui, on peut le comprendre. Et justement, les conditions de vie dans le camp de Kessargues en particulier, vous pouvez nous le décrire? Eh bien, il y a quelques caravanes, quelques cabanes qu'ils ont bricolées. Bien sûr, c'est à même le sol, c'est de la terre. Quand il pleut, comme ces jours-ci, vous imaginez, et ça met un moment à sécher. Il n'y a pas de ramassage d'ordures, donc ils se débrouillent, ils font brûler... Voilà, les conditions d'hygiène, y a aucun confort, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, voilà. Oui, et puis ils vivent aussi dans le danger, parce que, bon, on est en période d'hiver, il faut qu'ils se chauffent, donc c'est des gens qui sont très très adroits de leurs mains, donc ils fabriquent des petits poêles et tout, mais bon, c'est dans des petits espaces, des espaces très réduits, et donc, ça représente quand même un petit danger. Il peut y avoir les gaz carboniques, il peut y avoir un feu, il y a des enfants là-dedans qui sont en très bas âge, il y en a même qui ont 3 mois, donc ça représente un danger de tous les jours, hein. Il faut être toujours à l'affût quand même, hein. Oui, il y a des enfants dans le camp. Ils sont scolarisés. Comment cela se passe? Alors certains sont scolarisés, oui, et ils ne demandent qu'à aller à l'école. Le souci, c'est qu'ils ne peuvent pas y aller tous les jours parce qu'ils ont un souci de transport, puisqu'ils ont été éloignés de leur école, avec les expulsions qu'ils ont subies, donc ils sont éloignés de leur école. Du coup, ben maintenant, ils ne peuvent pas forcément aller à l'école. Quand il n'y a pas d'essence, ils restent au camp. Oui, je prolongerai en disant que nous avons alerté le CASNAV, qui est un organisme de l'éducation nationale qui s'occupe de la scolarisation des enfants. Et nous essayons de travailler avec eux pour trouver des solutions de transport pour amener ces gamins à l'école. Parce qu'il y a trois endroits où ils vont, Bouillargues, à la place de la Révolution et à Charles Martel. Mmh. Mais ils ne peuvent pas y aller tout le temps. Pourquoi ? Parce que les parents, jusqu'à maintenant, quand ils ont un peu d'argent, ils les amènent, mais quand ils n'ont pas d'argent, il n'y a pas d'essence, et donc les gamins restent là. Et les gamins veulent aller à l'école. C'est une demande vraiment très explicite de leur part. Et les mamans se battent pour que leur gosse aille à l'école. Mmh. Contrairement à ce qu'on peut penser, il y a une envie d'intégration par l'école. Ouais. Ils sentent bien que c'est une solution pour eux aussi. Mmh. Ouais. Et là, dernièrement, il y a deux petites filles qui ne sont pas allées parce qu'elles n'avaient pas de chaussures. Et voilà, ouais, on en est là. Tout simplement. J'allais dire, ouais. Mmh. Ok. Il est 7h45, on va peut-être passer une petite musique, et je crois que c'est l'hymne des Roms. Teddy, tu peux nous en parler avant de... Oui, donc il s'agit de Djelem Djelem, qui est l'hymne des Roms, l'hymne international des Roms, depuis le premier congrès mondial des Roms en 1971. Donc il s'agit d'une chanson qui évoque le Samoudaripen, c'est-à-dire le génocide que les Roms ont subi pendant la guerre mondiale. Voilà, c'est évoqué dans cette chanson. Très bien. Yeah! Carrefour des résistances, aujourd'hui sur le thème des Roms. Musique envoûtante qui va nous remettre dans le bain du combat du collectif Dis-moi de défense des Roms. On en a parlé tout à l'heure. Quelles ont été les actions qui ont lieu ces dernières semaines? Alors, si vous voulez, ce qu'on a fait, c'est que dans un premier temps, on a demandé que s'applique une fameuse circulaire du 26 août 2012 que le gouvernement avait faite, et on a demandé à la préfecture donc une audience pour pouvoir rencontrer les personnes qui seraient responsables à pouvoir mettre en place toutes les structures pour que ces personnes, que ces Roms sortent un petit peu de la précarité. Donc leur trouver des logements, du travail, s'occuper des problèmes de santé, de scolarisation. Et ça, c'est applicable par rapport à la circulaire. Mais c'est pas mis en application. Et personne ne voulait prendre ça en charge. Donc nous avons demandé une audience, nous avons été reçus en préfecture. Et ce qu'on a demandé, et c'est en train de se mettre en place actuellement, mais avec toute la vigilance, et nous le saurons, croyez-moi, que le Conseil général, la mairie, les services sociaux, la préfecture s'occupent réellement de prendre en charge ce campement et de trouver des solutions pour ces familles, mais des solutions pérennes, pas du rafistolage. On parlait beaucoup d'expulsions au milieu du mois de mars. Là, actuellement, c'est pas quelque chose qui reste comme une épée de Damoclès. Pour le camp de Kessargue. Le survie de Kessargue, oui. Alors, ils ont eu un sursis de 2 mois, peut-être 3. Et donc là, tous ces services sociaux vont essayer de trouver une solution de relogement. Là, pour ces 3 mois, vont servir à ça. D'accord. Donc après, le risque est toujours là. Hein, ouais. Ils ont toujours cette épée de Damoclès sur la tête. Si vous voulez, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est on essaie d'être un petit peu l'aiguillon qui oblige les gens à réaliser. Hein. Puisque personne ne veut faire, je pense qu'il faut faire du bruit un petit peu et en avant. Donc, on a fait cette rencontre avec la préfecture, mais en même temps, nous avons écrit au Conseil général, au maire de Nîmes, en leur demandant de prendre leurs responsabilités par rapport à ça. Les courriers ont été adressés au vice-président des commissions du Conseil général. Il y en a une dizaine qui ont été avertis. Et il y a eu 6 élus à mairie de Nîmes. Ça, c'est des choses que nous avons mis immédiatement en place. En plus, nous avons créé des commissions au sein du collectif. Commission scolarisation, commission santé, commission logement, lieu de vie, droit au travail et droit au séjour, et la commission communication. Ces commissions travaillent, et c'est ce qui permet un petit peu de coordonner toute notre action par rapport à nos amis roms. Oui. On reste vigilant. Oui, c'est un sacré travail quand même que vous avez rendu là, ces derniers temps. On va peut-être sortir des Roms du pourtour de Nîmes et de Kessargue en particulier pour peut-être parler de la situation des Roms en général en Europe. Oui. Est-ce que vous pouvez nous... Alors les Roms en Europe, ils sont victimes de discrimination depuis, ça fait des siècles en fait, qu'ils sont victimes de discrimination, ça dure. Et en France, on n'en est pas encore comme dans certains pays, mais on s'en approche si on fait pas attention, parce qu'il y a de plus en plus de propos racistes à leur égard. Et ben, en Italie, on a vu par exemple en 2008 toutes des attaques contre les camps roms qui n'ont pas du tout été condamnées par les gouvernements. Il y a eu des cailloutages, des incendies de camps roms. Il y a eu un tract d'un parti néo-nazi qui circulait où on déclarait ouvert la chasse aux animaux sauvages migrateurs comme les Roumains et les Tziganes. Donc ça, c'était ce qu'il y avait écrit sur les tracts. En Hongrie, le parti Jobbik encourage ouvertement les actes homophobes. Il faut savoir que le parti Jobbik nationaliste a 43 députés au Parlement en Hongrie. Donc ils ont une milice qui fait des descentes régulièrement dans les camps roms. En Bulgarie, le parti d'extrême droite Ataka a fait campagne contre les Roms ouvertement, disant, je cite, qu'il faudrait en faire du savon. Donc ça, c'est quand même des propos qu'on a entendus il n'y a pas tellement longtemps, qui font froid dans le dos. On rappelle quelques années en arrière. Voilà. Mais... En Slovaquie, en 2011, c'est pas si vieux, en 2011, des médecins ont été condamnés parce qu'ils avaient stérilisé des jeunes filles roms. Et on n'est pas sûr que ça se fasse pas encore. En Serbie, au Monténégro, enfin dans tous ces pays, les conditions sont voilà, c'est de la discrimination. Il y a encore là quelques jours un jeune Rom qui est mort sous les coups de quatre skinheads puisque c'est encouragé. Et, enfin voilà. Dans quel pays ? En Hongrie. En Hongrie. Oui, je compléterai en disant que par rapport à l'Europe, il existe il y a 12 millions de personnes. Et donc 9 millions sont des citoyens dans l'Union européenne. Hein. C'est pas quand même une population énorme, mais elle est éparpillée un peu de partout. Et puis, comme disait Teddy, il reste quand même victime de dirais, de préjugés séculaires, hein, depuis toujours. Ouais. Voilà. Dans ce combat là que vous menez là actuellement, qu'est-ce qu'on pourrait demander pour vous aider, quel soutien pourrait-on vous apporter? D'abord, je pense qu'il faut que le collectif soit toujours vigilant et continue son travail d'information auprès de la population. En apportant des éléments et en faisant rencontrer les Roms à d'autres personnes, puisque souvent un des premiers dangers du racisme, c'est parce qu'on connaît pas l'autre, et qu'à partir du moment où on le connaît, le rapport change. Ouais. Et ce qu'on voudrait, c'est ça, c'est que ces populations qui ont des préjugés souvent racistes ne connaissent même pas les Roms. Hein. Et donc, du coup, y a des choses qui se disent, et c'est relayé souvent aussi par les médias, ça ne sert pas la cause humaine, je dirais. Et c'est ça qui nous importe actuellement. Merci. J'ajouterais, c'est ça, qu'il faut changer les mentalités et qu'on cesse d'entendre ces propos racistes qui sont banalisés, qui sont dits par des gens haut placés au pouvoir, puisqu'on a entendu des propos de Manuel Valls qui étaient absolument scandaleux, disant que les Roms devaient rester en Roumanie ou y retourner. Enfin, des choses comme ça. Déjà, il y a amalgame entre le Rom et le Roumain. De même que Sarkozy avait amalgamé les gens du voyage et les Roms. Et puis je voudrais dire aussi, parce que depuis le début, on dit les Roms. Voilà. Mais nous-mêmes, il faut qu'on fasse attention. Parce qu'à partir du moment où on dit les Roms ceci, les Roms ça, cela, nous aussi, on fait des généralités. Et on le voit bien sur le camp de Kessargues, il n'y a pas les Roms. Il y a des individus, des familles, et chacun a sa façon de vivre, a ses envies, a ses désirs, ses projets. Donc il n'y a pas les Roms. Voilà. Il y a des individualités. Merci Teddy, merci Roger. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vais à présent vous donner la liste des manifestations d'alternatives ou de luttes pour ceux qui pourraient être notre monde, que vous retrouverez en détail sur le site Démosphère, http://gare.demosphere.eu. Pour commencer, les manifestations hebdomadaires habituelles, je dirais. D'abord les indignés qui font toujours leur assemblée générale la place de la Maison Carrée à 13h le samedi, et le mercredi font une réunion au bar La Brasserie, et l'association Raconte Citoyenne AMUS 272 rue de la Grande Terre, tous les vendredis fait une projection d'un film militant suivi d'un débat et d'un repas tiré du sac. Donc c'est tous les vendredis à Mus, 272 rue de la Grande Terre. Le jeudi 4 avril à 18h30 à Saint-Quentin-la-Poterie, forum social local, partage du vécu au Forum mondial de Tunis par celles qui en reviennent. On parlera aussi du projet de golf à Saint-Hilaire de Bretmas, du projet de carrière à Saint-Laurent de la Vernède, des projets démesurés et inutiles. On parlera de l'organisation du prochain forum social en automne. Et donc, on fera un bilan d'échange sur les autres luttes, en particulier Notre-Dame-des-Landes, semences paysannes, etc. Donc, plus d'informations sur http://fsl30.blogspot.fr. Les 4, 5, 6 et 7 avril, les éco-journées de l'Avonage. Le dérèglement climatique, ça change quoi pour moi? C'est organisé par l'association Abeilles et Biodiversité et l'association des communes de l'Avonage. Ça va se passer dans différents villages sur ces 4 jours. Le vendredi 5 avril à 18h30, il y a une réunion sur les ronds, donc au local de la PTI, 8 bis boulevard du Sergent Drière, donc 5 avril, 18h30. Vendredi 5 avril aussi, transition énergétique, alors c'est à 18h30, transition énergétique et initiative citoyenne, c'est le collectif anti-gaz de schiste qui organise ça, c'est à l'auditorium du Conseil Général, 3 rue Guillemette à Nîmes. Samedi 6 avril à 17h, film, échange, apéro, bio-attitude sans béatitude, échange avec les agriculteurs, gérants de magasins bio. Entrée libre, prix libre, ça se passe à Sommières, 31 rue Émilienne Dumas. Le mardi 9 avril à 18h30 à Nîmes, maison du protestantisme, 3 rue Claude Brousson, conférence débat, le sens de la peine. Donc avec c'est l'Observatoire international des prisons, l'OIP, groupe local de Nîmes qui invite. Conférence débat avec Antoine Lazarus, président de l'Observatoire international des prisons. Le jeudi 11 avril, 18h30, au foyer municipal d'Aubé, le collectif Territoire en transition Vitour-le-Cabargue va parler du projet de la création d'une ferme photovoltaïque sur l'ancienne décharge du village. Le conseil municipal a pris la décision par une délibération en novembre 2012 de mettre à disposition ce terrain de 11 000 m². Donc, c'est la mise en place de ce projet. Donc, AOB. Samedi 13 et 14 avril, premier forum transition énergétique et écologique. Ça se passe à Villeneuve de Berck, donc le samedi et le dimanche, à partir de 10h jusqu'à 24h. Samedi 20 avril, fête des yourtes à Bessèges, au centre culturel de Bessèges, place de Bessèges, donc à 15h, projection du film Les Yourtes de la Discorde, restauration, buvette, bal folk. Et donc, dimanche 21 avril à 12h, fête antinucléaire, île de la Barthelas, parc des Libertés à Avignon. Et j'allais oublier, le 13 avril, stop à l'imposture financière des banques, ce sera place de la Maison Carrée, l'après-midi à 14h. C'est organisé par les indignés de Nîmes. Je rappelle le site de l'APTI, qui s'occupe des Roms. Donc l'adresse mail. Donc apti.nimes@gmail.com. Voilà, cette émission s'achève. La prochaine émission aura lieu donc le 1er mai. Elle aura pour thème précisément, et j'en ai parlé tout à l'heure, donc du projet de ferme photovoltaïque à Aubé. Nous accueillerons donc Christian Mercier qui est l'initiateur de ce projet avec l'association des territoires en transition. Voilà. Merci à tout le monde et on ne lâche rien.